Vas-y, viens pas tester ma zone. Placos, viens pas tester. Ça vient de la solicache, man. Ça vient de la solicache, man. Accroche-toi, poteau, c'est pour mes héros du ghetto. 1-0 KRETC, toujours les gros débarquements. Putain, 102 000 watts. Chez nous, ça traque. Et pour un reste, ils font de braque. S-Crime assure les arrières. S'ils viennent faire chier, dis-leur qu'on les emmerde. Discret en provenance des putains de quartier nord. Nique sa mère le renfort, mec, ici ça sort les cloques. Viens faire une escorte au 13-0-15 Soli quartier. Bâti au sommet de la côte. Côtoie la zone et tu verras ce qu'il en coûte. Là au plus d'une vie, se sont achevés au couteau. Ici c'est le dernier mot qu'on apporte dans le ghetto. Là où dès le berceau on a les crocs très tôt. Bon le nord, sud, quartier nord, il paraît que ça choque. Il paraît qu'il se passe des trucs pas nets dans nos blocs. Surtout quand ses occupants sont arabes ou blacks. Tous devenus ce qu'ils ont voulu qu'on soit. Cause des idées reçues, mauvais sort. Tombé comme la foudre dans nos blocs. Viens pas tester ma zone. Placos, c'est pas chier, c'est la soligarchie, man. Bougie les barbales pour tes sauces. 3, 5, 7 chargés, tu sens arriver le danger. Viens pas tester ma zone. Placos, c'est pas chier, c'est la soligarchie, man. Bougie les barbales pour tes sauces. Fais sonner l'alarme, laisse tout qu'on s'acharne. Fais péter la salle, tout le bois. Du 13-0-15, on vient en bras pour s'emparer du monde. On prend tout bon sorti des quartiers nord. S-O-L-I les quartiers, là on m'en sent récente. Là on m'en sent zon. Toujours prêt à te servir comme toujours prêt à te planter. Tu devais t'en douter, t'approches pas du territoire. Car ça risque de te faire mal. T'approches pas du territoire, car ça risque d'être fatal. Pour toi et pour tes proches. Discret en 2005, on fait sonner l'alarme. Et je te préviens qu'on est armé. Car moi le pain, je t'avertis, viens pas te la ramener. Car tu signes ton arrêt de mort sur cette chose, je suis sans remords. J'entends que tu provoques, mon rap des halls il est escroque. Qu'est-ce qui t'arrive, pareil que tu fais dans ton froc. Ça te fait un choc, l'effet discret c'est la rage. Mec, qui est tout droit sorti des blocs. Ça vient de là où la haine sur ça, chaque coin de rue. Là où tu peux être confronté à une balle perdue. Une bande de bandits débarque à l'improviste. Viens dans ma zone, impossible que tu résistes. Viens pas tester ma zone. Placos, c'est pas chier, c'est la soligarchie, man. Bougie les barbales pour tes sauces. 3, 5, 7 chargés, tu sens arriver le danger. Viens pas tester ma zone. Placos, c'est pas chier, c'est la soligarchie, man. Bougie les barbales pour tes sauces. Fais sonner l'alarme, laisse tout qu'on s'acharne. Fais péter la arme. Viens pas tester ma zone. Placos, c'est pas chier, c'est la soligarchie, man. Bougie les barbales pour tes sauces. 3, 5, 7 chargés, tu sens arriver le danger. Viens pas tester ma zone. Placos, c'est pas chier, c'est la soligarchie, man. Bougie les barbales pour tes sauces. Fais sonner l'alarme, laisse tout qu'on s'acharne. Fais péter.